بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد donc le quatrième cours du résumé explicatif du livre de l'incité Kitab al-Tawhid الذي هو حق الله على العبيد نشر الإسلام محمد بن علوهاب رحمه الله تعالى explication de Cheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et si les sœurs n'entendent pas derrière, dans les classes, qu'elles se rapprochent pour entendre directement du micro, parce qu'apparemment les haut-parleurs ne fonctionnent pas. On est arrivé au chapitre Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. On avait pris la première partie et on est arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. L'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed bin Al-Wahhab, car lui fasse miséricorde, il dit: et d'après Ubadat ibn Samit, car la lettre ou l'agré qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, seul, sans rien lui associer, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a envoyée à Maryam, Marie, et une âme venant de lui, et que le paradis est une vérité, et que l'enfer est une vérité, Allah le fera entrer au paradis, quels que soient ses actes. Rapporté par les deux chers, Akhrajahu. Là-dessus, on a l'explication de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, du très savant Cheikh Saleh ibn Fawzan, ibn Abdillah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Il dit, Ubadat ibn Samit, huwa Ubadat ibn Samit, ibn Qays al-Ansariyu al-Khazrajiyu, ahadu al-Nuqaba'. بدري مشهور توفي سنة 34 هجرية وله 72 سنة. Il dit le cheikh hafidahullah ta'ala, il commence par le narrateur, si vous voulez, le rapporteur du hadith, le compagnon Ubadat ibn Samit. C'est Ubadat ibn Samit bin Qays al-Ansari al-Khazraji, l'un des leaders, le Badri est célèbre. Badri, c'est-à-dire qu'il a il est parmi les nobles compagnons qui ont participé à la bataille de Badr. Il est décédé en l'an 34 de l'Hégire alors qu'il était âgé de 72 ans. Shahida la ilaha illallah takallama bihadhi al-kalima 'arifan lima'naha 'amilan bimuqtadaha zahiran wa batina. Shahida la ilaha illallah atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Dit cette parole, c'est-à-dire qu'il dit cette parole en connaissant son sens et en mettant en pratique ce qu'elle implique intérieurement et extérieurement. La ilaha illallah, c'est-à-dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Wahdahu halun مؤكد للإثبات وحده seul, c'est une insistance sur l'affirmation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Bien, vous savez que dans la ilaha illallah, l'attestation que la ilaha illallah nous n'est en droit d'être adoré à part Allah, et il y a ce qu'on appelle un nafi et un ithbat. Il y a une affirmation et il y a une négation. Où est-ce qu'elle a l'affirmation, où est-ce qu'elle a la négation? Qui sait me dire? C'est la négation, et quoi? Voilà, c'est ça, c'est l'affirmation. Et bien, maintenant, prenez la ilaha illallah et rajoutez la ilaha illallah, wahdahu, la sharika lah. Et bien, wahdahu, vous allez voir dans la parole du cheikh que wahdahu, c'est une insistance sur l'affirmation. Tandis que la sharika lah, c'est une insistance sur la négation. C'est ça qu'il veut dire le cheikh ici. Donc, il dit, wahdah seul, c'est une insistance sur l'affirmation, l'ithbat. La sharika lah, sans rien lui associer, c'est donc une insistance. Il dit ta'kidun lin-nafi, c'est une insistance sur la négation. Wa anna Muhammadan, et que Muhammad, ay wa shahida anna Muhammadan, c'est-à-dire et qui atteste que Muhammad. Toujours par rapport au hadith de Ubadah ibn Samit rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Il dit Abduhu, son serviteur, celui qu'il possède, Mamloukuhu wa Abiduhu, celui qu'il possède est son serviteur, son adorateur. Wa Rasuluh Mursaluhu bi Shari'atihi, son Rasuluh, son messager, celui qu'il a envoyé avec sa législation. Wa anna Isa, أي وشهد أن عيسى بن مريم وأن عيسى إكو عيسى ستدير إأتسك عيسى لفيس دو مريم شكال فان دو حديث عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة عبد الله ورسوله السيرفيتور دالله إسو ميساجي en opposition à ce que croient les chrétiens qu'il est Allah ou le fils d'Allah ou le troisième de la Trinité. Wa kalimatuh ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Wa kalimatuh, et sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah, c'est-à-dire qu'il l'a créé, Allah il l'a créé par une parole et c'est sa parole kun, soit. القاها الى مريم ارسل بها جبريل اليها فنفخ فيها من روحه المخلوقه باذن الله عز وجل القاها الى مريم qu'il a envoyé à Maryam, qu'Allah a envoyé à Maryam, avec laquelle il a envoyé Jibril, l'ange Gabriel, à elle, et qui a insufflé en elle de son âme créée avec la permission d'Allah le Très-Haut. وروح اي ان عيسى عليه السلام روح من الارواح التي خلقها الله تعالى وروح اي une âme. C'est-à-dire que Isa alayhi salam est une âme parmi les âmes qu'Allah le Très-Haut a créées. Minh, ay minhu khalqan wa ijadan ka qawli ta'ala wa sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi jami'an minh. Min surat al-Jathiyah. Minh, venant de lui. Alors un point que je voudrais faire ici, on l'a déjà fait dans un des cours, c'est qu'un chrétien arabophone, il peut te mettre une choubha avec ce hadith. En utilisant ces hadiths. Et il va utiliser le mot minh pour te dire qu'en fait, Isa c'est une partie d'Allah. Parce qu'il va te dire que le sens de min ici c'est tab'idiyya, qui est un des sens de la préposition min. C'est-à-dire qu'une partie de. Tu le réfutes, Cheikh Al-Uthaymin il a fait la même réfutation dans Qol Mufid, l'explication au Kitab Tawhid. Il te dit ça, cite-lui ce verset. Cite-lui ce verset, dont la traduction du sens est. Et après, je reviens à la parole de Jérôme Fauzan. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout, min, jami'an min, le tout venant de lui. Cheikh Al-Uthaymin dit, dis-lui, est-ce que les cieux et la terre sont partie d'Allah aussi? Donc ici, le sens de min, c'est quoi? C'est-à-dire que l'ibtida, c'est-à-dire venant de lui. Et c'est pas une partie de lui. Parce que min, il a différents sens, la proposition. Donc vous voyez, quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue arabe et qui ne connaît pas nécessairement le Coran et qui ne sait pas réfuter, il peut se laisser avoir par cette choubha. On revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan, venant de lui, c'est pour ça que l'on a traduit min par venant de lui. C'est-à-dire venant de lui par création et en la faisant exister, comme la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est, et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux sur la terre, le tout venant de lui. Regardez le verset, il est clair. Jami'an min. Surat Jathiyah, verset 13. Jusqu'à la fin du verset, il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. والجنة حق والنار حق أي شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما وأن الجنة حق وأن النار حق et que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'atteste que le paradis et l'enfer, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans son livre, existent tous deux sans aucun doute. Maintenant, encore une fois, on revient sur la langue arabe. Revenons au hadith. Le hadith, il commence par « Man shahida ». Quiconque atteste. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe un « shart ». Donc il faut un jawab shart, une condition, il faut une réponse à la condition. Man shahida, le hadith, jusqu'à la fin, donc man shahida la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatu alqaha ila maryam, wa ruhum minh, wa aljannata haqq, wa annara haqq. Man la jawab shart, man la réponse à la condition. Celui qui atteste tout cela, la réponse à la condition, jawab shart, adkhalahu allahu aljannata ala ma kana min al-amal. C'est ça qui va dire Cheikh Fawzan ici. Cheikh il dit adkhalahu Allahu al-janna jawab al-shart as-sabiq min qawli man shahida ila akhirih. C'est-à-dire adkhalahu Allahu al-janna, Allah le fera entrer au paradis. C'est la réponse de la condition qui a précédé de sa parole. Quiconque atteste jusqu'à la fin du hadith, eh bien Allah le fera entrer au paradis. Ala ma kana min al-amal yahtamilu ma'layayn. Quelles que soient ses actions, on a traduit ça comme cela. Le cheikh ici dit ça peut avoir deux sens. Cela peut être deux sens. Il dit le cheikh, الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة. والثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. Donc le premier sens, que quelles que soient ses actions, à la makana min al-amal peut avoir. Le premier, qu'Allah le fasse entrer au paradis, et ce même s'il a des manquements et des péchés, car le muwahhid, celui qui pratique l'unicité, doit obligatoirement entrer au paradis. Le deuxième sens, à la makana min al-amal, quelles que soient ses actions, cela peut aussi dire, vouloir aussi dire, qu'Allah le fasse entrer au paradis et que son degré au paradis soit en fonction de ses actions. Akhrajahu, rapporté par les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Rapporté par les deux chers. C'est-à-dire, le cher, il dit ici, Akhrajahu, ay rawa hadal hadith al-Bukhari wa muslimun, fi sahihayhima, alladayni huma asahul kutubi ba'da al-Qur'an. Akhrajahu, rapporté par les deux chers. C'est-à-dire que ce hadith a été rapporté par al-Bukhari, par muslim, dans leurs authentiques respectifs, qui sont tous deux les livres les plus authentiques après le Qur'an. Et tous les ulama sont d'accord là-dessus. Hein? D'ailleurs, Ibn Hazar, dans le Nukat ala Kitab ibn Salah, une petite faille dans le hadith, il dit que talaqi l'umma bil qaboul aqwa min katrati turuq. Il dit que le fait que l'umma accepte un hadith, c'est plus fort que le nombre de, qui est beaucoup de chaînes de ce hadith. Hein? Faïda, ça aussi. Donc, talaqqi l'umma bil qaboul, c'est quelque chose de fort chez les mashayikh, chez l'ahl hadith. Mais ici, évidemment, on parle du Bukhari muslim, c'est allez, les deux livres plus authentiques après le Coran, les deux sahih, al-sahihan. Maintenant, le cheikh, il parle de al-ma'na al-ijmali du hadith. Anna al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, yukhbiruna mubayyinan lana fadla al-tawhid wa sharafah. Anna man nataqa bi shahadatayn, arifan li-ma'nahuma, amilan bi-muqtadahuma, zahiran wa batina, وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين والنبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. Le sens général du hadith, vous savez que toujours la méthodologie du Cheikh, Cheikh Fawzan ici, c'est qu'il rapporte la partie du texte de Cheikh Islam Mohamed Al-Wahhab Rahimahullah, puis il rapporte les mots de vocabulaire et les explique, le narrateur d'abord, et puis les mots de vocabulaire, puis le sens général du hadith, puis le rapport, le munasab, le rapport entre le hadith ou le verset, ça dépend, entre la preuve, le hadith ou le verset, avec le chapitre. Pourquoi il a cité? Parce que le Cheikh Mohamed Al-Wahhab, il a donné des titres de chapitres. Il a cité des chapitres, puis il a cité des preuves par rapport aux chapitres. Donc, ce qui est judicieux de se poser comme question, c'est comment cette preuve est une preuve pour ce qui est comme chapitre. Donc ça, il fait toujours. Et puis à la fin, les fawa'id, ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith ou de ce verset. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe, ça c'est le sens général du hadith, il nous informe, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous clarifiant la vertu de l'unicité et sa noblesse, que celui qui prononce les deux attestations, en connaissant leur sens à toutes deux, et en mettant en application ce qu'elles impliquent, toutes deux, intérieurement et extérieurement, et s'écarte de l'extrémisme et du laxisme, quant au droit des deux nobles prophètes, Isa et Muhammad, alayhi salatu wassalam, et attestent de leur message à tous deux. Vous voyez, c'est man shahida, quiconque atteste et, c'est-à-dire qu'il doit attester de toutes ces choses. Intérieurement, extérieurement, mettre en application ce qu'elles impliquent intérieurement, extérieurement, et que le atteste de leur message à tous deux, et de leur servitude à tous deux envers Allah. Et qu'aucun des deux n'a quoi que ce soit parmi les spécificités de la seigneurie, et qui aura été certain du paradis, et de l'enfer, et que sa fin sera au paradis s'il a commis des péchés, qu'il n'arrive pas au, et sa fin sera, donc, et sa fin, ça c'est la réponse de ce qu'on a dit tout à l'heure, et sa fin sera au paradis s'il a commis des péchés qui n'arrivent pas au degré d'association. Maintenant, le cheikh dit, munasabat al-hadith lil-bab. أن فيه بيانا لفضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. Et bien, le rapport entre le chapitre et le hadith, chapitre qui a pourquoi pour titre que vous rappeliez, bab فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب, chapitre de la vertu, de l'unicité et de ce qu'elle explique comme péché. Eh bien, le rapport entre le chapitre et le hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith la mise en évidence de la vertu de l'unicité. C'est le titre du chapitre d'ailleurs. Et quelle est la cause de l'entrée au paradis et d'expiation des péchés, ce qui est aussi le titre du chapitre. Maintenant, ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith, et Cheikh il va en citer 5. Il dit ما يستفاد من الحديث أولا فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب. Le premier bénéfice, c'est la vertu de l'unicité ou le mérite de l'unicité. Et qu'Allah expie les péchés par l'unicité. ثانياً سعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى. Deuxième bénéfice, c'est l'immensité de la miséricorde d'Allah le Très-Haut et de sa bienfaisance. سبحانه وتعالى. ثالثاً وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين. فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئاً من العبادة. Troisième bénéfice, l'obligation de s'écarter de l'extrémisme et du laxisme quant aux droits des prophètes et des vertueux, et que donc on ne nie pas leurs vertus, ni n'exagère à leur sujet en leur vouant quelque chose de l'ordre de l'adoration, comme le font certains ignorants et égarés. Rabi'an, anna aqidat al-tawhid tukhalifu jami'a lil-milal al-kufriyah min al-yahoudi wal-nasara wal-wathaniyin wal-dahriyin. C'est que, quatrième bénéfice, la croyance de l'unicité s'oppose à toutes les religions de mécréance, parmi les juifs et les chrétiens, et les idolâtres et les matérialistes athées, dhriyoun. Le Mashiach, ils appellent dhriya. Cinquième faïda, أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. Le cinquième bénéfice, c'est que les pécheurs parmi les muahidoun, ceux qui pratiquent l'unicité, ne restent pas éternellement en enfer. On a fini ce sous-chapitre, on continue pour terminer le chapitre. Pour vous situer bien, par quoi on avait commencé le chapitre, c'était par un verset de quelle sourate? Al-An'am. Puis, on a rapporté le hadith de Ubadah ibn al-Samit. Puis maintenant, on va rapporter le hadith de Itban. Vous suivez le tasalsul, la progression. Walahuma fi hadith Itban. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh l'Islam Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, et tous deux rapportent dans le hadith de Itban. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Allah a certes interdit l'enfer à quiconque atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, cherchant par cela la face d'Allah. L'explication maintenant de Cheikh, du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Encore une fois, il rapporte, c'est qui le rapporteur, le narrateur, il parle une biographie vraiment très très succincte. Le rapporteur, le narrateur du Hadith, c'est Itban ibn Malik, Donc ça c'est, comme je l'ai dit, ça c'est intéressant de mémoriser ça, parce que c'est très court. C'est-à-dire que sur chaque sahabi, tu peux avoir quelque chose de très court qui te donne une idée générale de qui c'est ce compagnon. Huwa Itban ibn Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari min Bani Salim ibn Auf sahabi mashhur mata fi khilafati Muawiya. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit Itban, c'est qui Itban? C'est Itban ibn Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari de Banu Salim ibn Auf, célèbre compagnon décédé lors du califat de Muawiya. Walahuma, comme il a dit, walahuma fi hadith Itban. Lahuma, il y a un damir ici, damir ou tathniya, il y a un duel à qui ça fait référence ce pronom, al-Bukhari wa Muslim. Parce qu'en français, nous on va dire, et ils ont tous deux, walahuma, Cheikh il dit, walahuma, ayrawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima had al-hadith. Bikamali wa da tarafun minha. C'est-à-dire que Al-Bukhari et Muslim ont tous deux rapporté dans leur authentique respectif ce hadith en entier, alors que ce qui en est cité ici n'en est qu'une partie. حرم على النار التحريم المنع أي منع النار أن تمسه أو أن تمسه. حرم على النار a interdit à l'enfer. Le tahrim, l'interdiction, c'est-à-dire المنع, qu'Allah a interdit à l'enfer de le toucher. يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك ولم يقولها نفاقا. يبتغي بذلك وجه الله, cherchant par cela le visage d'Allah ou la face d'Allah, c'est-à-dire sincèrement de son cœur, et est mort dans cette situation et ne l'a pas dit par hypocrisie. Maintenant le sens général du hadith, encore une fois le hadith d'Itban qui est dans le Bukhari ou Muslim. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ أو مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. Vous savez pourquoi il a dit tel quel hal et pas dalika? Quelqu'un sait? Non. C'est pas dans ce sens-là. Toujours mu'annath. Il y a juste fil wajhan. C'est un parmi les mots que tu peux dire au masculin, au féminin. Ou l'afsah, ce qui est plus éloquent, c'est de dire au féminin. Le hal. Le sens général du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe d'une information confirmant que celui qui prononce la parole La ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré par Allah, en ayant comme intention, ça c'est la condition ici, ce qu'elle indique en termes de sincérité et de négation de l'association, mettant en pratique cela intérieurement et extérieurement, et est mort dans cette situation, le feu ne le touchera pas le jour de la résurrection. مناسبة الحديث الباب. Vous voyez l'importance d'étudier ce genre de sujet, de ce genre de livre. مناسبة الحديث للباب أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار والتكفير السيئات. Le rapport entre le hadith d'Itban dans le Bukhari Muslim et ce chapitre qui est Bab, Fadl al-Tawhid, Ma yukaffiru min al-Dhunub, chapitre du mérite ou de la vertu, de l'unicité, de ce qu'elle explique comme péché. Il y a donc ce hadith, l'indication claire de la vertu de l'unicité, et ce qu'elle rend, et qu'elle rend obligatoire à celui qui meurt, la pratiquant, eh bien cela lui rend obligatoire la salvation de l'enfer et l'expiation des péchés. مناس ما يستفاد من الحديث كيس كولونتيغ كوم بينيفيس دو سو حديث بأولا إيفون سيتي سات فضل التوحيد وأنه ينقذ من النار ويكفر الخطايا. Eh bien, c'est le mérite de l'unicité, la vertu de l'unicité, et qu'elle sauve de l'enfer et expie les fautes. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Deuxième bénéfice, أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. Il n'est pas suffisant pour la foi de croire sans prononcer, comme la situation de ceux. J'en ai sauté un ici, en français. qu'il n'est pas suffisant pour la foi de prononcer sans croire avec le cœur. Comme la situation de qui de Munafiqin. Parce qu'il montre l'islam de manière apparente, mais il cache le couvre intérieurement. Troisième, أنه لا يكفي في الإيمان اعتقاد من غير نطق كحال الجاحدين. C'est-à-dire, il n'est pas suffisant pour la foi de croire sans prononcer comme la situation de ceux qui renient. C'est-à-dire qu'on a la situation de ceux qui disent avec la langue mais ne croient pas avec le cœur, c'est qui ? Al-Munafiqoun. Et puis il y a ceux qui disent, qui croient avec le cœur mais qui ne disent pas. Qu'il a dit comme la situation des Al-Jahidoun. Quatre, تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. L'interdiction d'être touché par l'enfer pour les gens de l'unicité complète. Cinq, أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'action n'est bénéfique que lorsqu'elle est sincère pour la face d'Allah et conforme à la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Sixième, أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم. Quiconque dit لا إله إلا الله alors qu'il invoque autre qu'Allah, cette parole ne lui sera utile en rien, comme la situation des عباد القبور, les adorateurs de tombes aujourd'hui qui disent La ilaha illallah, alors qu'ils invoquent les morts et se rapprochent d'eux par des actes d'adoration. Septième et dernier bénéfice. Ithbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. L'affirmation de la face d'Allah le Très-Haut de la manière qui sied à sa majesté et à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. On continue toujours dans ce chapitre. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, et d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa, Moïse, a dit, ô mon Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi une chose par laquelle je t'invoquerai et je te supplierai. Il dit, ô Moussa, dit, la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré par Allah. Il dit, ô mon Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Il dit, ô Moussa, si les sept cieux et ceux qui les peuplent, mis à part moi, et les sept terres étaient sur l'un des plateaux d'une balance, et la ilaha illallah était sur l'autre plateau de la balance, elle pencherait du côté où se trouve la ilaha illallah. Rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim, qui l'a jugé authentique. On a l'explication du très savant, Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdillah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Il dit, Abu Sa'id al-Khudri, هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنساري الخدري نسبة إلى بني خضرة صحابي جليل ابن صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مات سنة 74 هجرية أبو سعيد الخدري سكي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك Abu Sa'id Sakunya, Sa'ad ibn Malik, ibn Sinan, al-Khazraji, al-Ansari, al-Khudri, une filiation à Bani Khudra, un illustre compagnon et fils de compagnon. Il a rapporté de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé en l'an 74 de l'Hégire. موسى هو موسى بن عمران رسول الله إلى بني إسرائيل وكليم الرحمن موسى مويس موسى بن عمران le messager d'Allah envoyé aux Banu Israël, les fils d'Israël, et celui qui a parlé à qui Allah a parlé كليم الرحمن. أذكرك أثني عليك وأحمدك به. أذكرك je t'invoquerai, je fais ton éloge et je fais tes louanges par cela. وأدعوك به أتوسل به إليك إذا دعوتك. وأدعوك به et par laquelle je te supplierai, que je prendrai comme moyen pour me rapprocher de toi lorsque je te supplie. يقولون هذا أي هذه الكلمة يقولون هذا ils disent cela c'est-à-dire cette parole لا إله إلا الله في كيف وعامرهن غيري من فيهن من العمار غير الله وعامرهن غيري et ceux qui les peuplent c'est-à-dire ceux qui peuplent les cieux comme il est dans le hadith et ceux qui les peuplent mis à part moi ce qu'il y a dans les cieux comme occupants mis à part Allah في كيف أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى في كفة dans l'un des plateaux d'une balance c'est-à-dire si ces créatures étaient déposées dans l'un des deux plateaux de la balance et que cette parole لا إله إلا الله était déposée dans l'autre plateau مالت بهن رجحت عليهن مالت بهن elle se pencherait du côté où c'est-à-dire elle cette parole لا إله إلا الله serait plus lourde qu'elle ces créatures. Le sens général du hadith, le معنى الإجمالي للحديث. أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربي عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به. فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق. وهي إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره. فبين الله له وعظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه وأنه لا شيء يعادله في الفضل. Le sens général du hadith, Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur qu'il lui enseigne une invocation, lui apprend une invocation par laquelle il ferait son éloge, un dhikr, ou une évocation si vous voulez, et au moyen de laquelle il se rapprocherait de lui, et donc Allah l'a orienté vers le fait de dire La ilaha illallah. Et Moussa a compris que cette parole était dite par beaucoup de gens. Et il voulait qu'il, Allah, lui enseigne une invocation spécifique pour lui, par laquelle il se distinguerait d'autrui. Et donc Allah lui a mis en évidence l'immense mérite, l'immense vertu de cette parole vers laquelle il l'a orienté, et que rien n'équivalait à cette parole en termes de vertu et de mérite. مناسبه الحديث للباب ان فيه بيان فضل كلمه التوحيد وانه لا شيء يعادلها في الفضيله. Le rapport entre le hadith et le chapitre, c'est le hadith d'Abi Saïd al-Khoudri radiallahu anhu arda, par rapport au chapitre qui est Bab al-Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, chapitre du mérite de l'unicité et de ce qu'elle explique comme péché. Il y a dans ce hadith la mise en évidence de la vertu de la parole de l'unicité et que rien ne lui est égal en termes de vertu. Ma yustafadu min al-hadith, ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, اولا عظم فضل لا اله الا الله لما تضمنته من التوحيد والاخلاص. Premier point, l'immense mérite de la ilaha illallah, vertu de la ilaha illallah, en raison de ce qu'elle contient comme unicité et sincérité. ثانيا on parlera après inchallah, ça va. Deuxième point, فضل موسى عليه السلام وحرصه على التقرب إلى الله. La vertu de Moussa عليه السلام est son ardeur à se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. ثالثا أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه لأن موسى طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به. Troisième point, l'adoration ne peut se faire que parce que Allah a légiféré. Et il n'est pas permis à qui que ce soit d'innover en cela quelque chose venant de lui-même. Car Moussa a demandé à son Seigneur de lui enseigner ce par lequel il l'invoquerait, ou il l'évoquerait. Rabi'an, quatrièmement, anna mashtaddat al-hajat wa al-darurat ilayh kana akthara wujudan. Fa inna la ilaha illallah, lamma kana al-alam muttarran ilayha, kana akthara li adhkari wujudan wa aysaraha husula. ce pour laquelle la nécessité et le besoin sont forts se trouve le plus. Et comme le monde est dans le besoin de la ilaha illallah, cette parole est celle parmi les invocations ou les adhkar que l'on retrouve le plus et la plus facile à obtenir. Amin. Allahumma barik fik. Allah hafadak. Jazakallahu khairan. خامسا الفائدة الخامسة أن الله فوق السماوات لقوله وعامرهن غيري. Allah est au-dessus des cieux et pour preuve de cela sa parole dans la traduction du sens est et ceux qui peuplent les cieux mis à part moi. Ça répond peut-être à ta question. Sixième point, أنه لا بد من في الذكر بهذه الكلمة من التلفظ بها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله كما يفعله بعض الجهال. L'affirmation de la balance des actions est que, non, lorsqu'on veut dire cette parole, pour évoquer, il est obligatoire de la prononcer en entier, la ilaha illallah, et de ne pas se limiter à prononcer le nom d'Allah, Allah, comme le font certains ignorants, notamment les soufis, qui répètent, hein, même des fois ils se mettent dans le noir, et ils se mettent ensemble, en cercle, etc., et ils répètent Allah, Allah, Allah, Allah, parce que certains gars, ils rentrent en transe. Il faut savoir que parmi les chourous du dhikr, c'est d'être un kalam moufid. D'accord ? Quand tu dis Allahu Akbar. Puis on continue le septième bénéfice. Ithbatu mizan al-a'mal wa annahu haqq. L'affirmation de la balance des actions et que c'est une vérité. L'affirmation de la balance des actions et que c'est une vérité. Huitième point. Les prophètes, les prophètes ont besoin que leur soit rappelé la vertu de la ilaha illallah. Neuvième point, que les terres sont au nombre de sept comme les cieux. Dernier sous-chapitre de ce chapitre, وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit, et Tirmidhi rapporte, et il l'a jugé bon, hassana, c'est-à-dire qu'il l'a jugé hassan. D'après Anas, qu'Allah le grec, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés pesant autant, ou presque autant, que la terre, puis tu me rencontres sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrais à toi avec autant ou presque autant de pardon que ne pèse la terre. L'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, l'Abdillah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Anas, huwa Anas ibn Malik min Nadr al-Ansari al-Khazraji. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة متى سنة 92 وقيل سنة 93 هجرية وقد جاوز 100. أنس c'est Anas بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي. Il était au service du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم pendant 10 ans. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, oh Allah, multiplie ses biens. C'est-à-dire qu'il a fait dua pour Anas. Oh Allah, multiplie ses biens et sa progéniture et fais-le entrer au paradis. Il est décédé en l'an 92 de l'Hégire et il fut dit en l'an 93 alors qu'il avait dépassé la centaine. وللترمذي وحسنه أي روى الترمذي في سننه الحديث المذكور وحسن إسناده. وللترمذي وحسنه. Et le Tirmidhi a rapporté, il a jugé authentique. C'est-à-dire que le Tirmidhi a rapporté dans ses sunan le hadith cité et a jugé sa chaîne de transmission comme étant hassan, comme étant bonne. Qurab, bidamm al-qaf wa qila bi kasriha wa dammu ashhar kuwa mal'uha aw ma yuqaribu mal'aha. Qurab avec une damma, qurab, ou avec une kasra. Donc soit une damma sur le qaf, il fut aussi dit avec une kasra, qirab. Et ce qui est le plus connu, c'est avec une damma, qurab. C'est son contenu ou presque autant que son contenu. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي ثم مت أو مت حال كونك سليما من الشرك وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا puis tu me rencontres sans m'avoir associé quoi que ce soit. C'est-à-dire, puis tu meurs alors que tu es sauf de la, tu es sauf, tu es saint, tu n'as pas d'association. Tu es sauf de l'association, et ceci est une condition dans la promesse d'obtenir le pardon. Al-ma'na al-ijmali al-hadith, le sens général du hadith, j'ai oublié maghfira, maghfira, al-ghafru lughatan al-sitru wa shar'an tajawuzu Allah an khataya wa dhunubi ibadih. Le maghfira c'est quoi? C'est le pardon en français. Mais le ghafr c'est dans le sens linguistique, al-sitr, le voile, la protection. Et dans le jargon religieux, c'est qu'Allah passe outre les fautes et les péchés de ses serviteurs. On pourrait, sur beaucoup de points détaillés, mais on a dit qu'on a choisi ce livre-là parce que c'est une explication résumée. Si vous voulez plus de détails, allez voir l'explication résumée de Charles Fawza, détaillée de Charles Fawza lui-même. Al-I'anat al-Mustafid, Sharh Kitab al-Tawhid, en deux volumes. Ou, comme Cheikh Sohimi dit que l'explication la plus détaillée, c'est celle de Charles Uthaymin, Al-Qawl Mufid, en deux volumes, 1200 pages. Il rapporte ce genre de points en détail. Et donc, al-sitr, le voile, la protection, dans le jargon religieux, c'est quoi? Le maghfira, c'est qu'Allah passe outre les fautes et les péchés de ses serviteurs. Al-ma'na al-ijmali al-hadith, le sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe, yukhbiru al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Rabbi azza wa jal, annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlih wa rahmatih, wa annahu yaghfiru al-dhunuba mahma kathurat madamad duna al-shirk. هذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le sens général du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe dans ce hadith de son Seigneur qu'il s'adresse à ses serviteurs et leur met en évidence l'immensité de sa bonté et de sa miséricorde et qu'il pardonne les péchés aussi nombreux qu'ils soient tant qu'ils n'arrivent pas au degré d'association. Et ce hadith est comme la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Surat Nisa, verset 16. Munasabatul hadith lil bab. Le rapport entre le hadith et le chapitre. Anna fihi dalilan ala katarati thawabi at-tawhid wa annahu yukaffiru adh-dhunuba mahma kathurat. Il y a dans ce hadith la preuve de l'abondante récompense de l'unicité et qu'elle expie les péchés aussi nombreux qu'ils soient. ما يستفاد من الحديث سكرونتير كم بنفيس دو حديث اولا فضل التوحيد وكثرة ثوابه premièrement la mérite la vertu de l'unicité et sa récompense abondante. Deuxième point, سعة فضل الله وجوده ورحمته وعفوه, l'immensité de la bonté d'Allah, de sa générosité et de sa miséricorde et de son pardon subhanahu wa ta'ala. الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك. Il y a dans ce hadith la réfutation des khawarij qui jugent celui qui commet un péché majeur n'arrive pas devant l'association comme étant un mécréant. رابعا, quatrièmement, إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله. C'est l'affirmation de la parole d'Allah, l'attribut, le kalam d'Allah le Très-Haut, de la manière qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Cinquième bénéfice, بيان لمعنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك قليله وكثيره ولا يكفي قولها باللسان. Cinquième bénéfice, la mise en évidence du sens de la ilaha illallah, et c'est le délaissement de l'association, qu'elle soit peu ou en grande quantité, et qu'il ne suffit pas de la dire cette parole avec la langue. Sixième point, sixième bénéfice et dernier, إثبات البعث والحساب والجزاء. L'affirmation de la résurrection et du jugement et de la rétribution. Avec cela, on a fini le cours pour aujourd'hui et on a fini ce chapitre. Et le cours prochain, la semaine prochaine, Inch'Allah, si tout va bien, la règle c'est qu'il y a cours jusqu'à preuve du contraire, même si ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas eu cours. Bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannah bighayri hisab. Ça c'est le prochain chapitre, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Deux choses, le cours sera disponible dès que possible, peut-être demain déjà, Inch'Allah, sur le site en PDF et en audio, et les frères qui veulent réciter le matin, ils peuvent se mettre à l'avant, venir chez moi et réciter la partie du matin qu'ils veulent réciter. Même s'ils n'ont pas lu avant, ils peuvent toujours lire, et ceux qui ont déjà lu avant, ils peuvent continuer. Jazakumullahu khairan.